Club du Mille de Le Boom-Sissi, on connaît évidemment le Club du Mille de Boom-Sissi, qui est extrêmement populaire. Il y a également, il y a quelques années, on a pris d'expansion. Il y a environ 2 ans, on est allé à Saint-Félicien. Et là, maintenant, devant la montée grandissante de la course à pied, on a décidé d'ouvrir un club à Roberval. Et c'est une personne de Roberval qui est quand même bien connue, Julie Desgagnés, qui sera en tête de ce Club du Mille-là. Question de savoir comment ça va. On lui parle. Salut, Julie! Bonjour, oui, Denis, ça va bien. Julie, c'est un signe, évidemment, que le club va bien, que la course à pied est de plus en plus, la popularité est de plus en plus grandissante. Et vous avez décidé d'ouvrir ça à Roberval. Pour quelle raison vous avez décidé d'ouvrir ça à Roberval? C'est-tu la montée grandissante où il y avait une demande très, très forte d'ouvrir un club? Ça a quoi été la principale raison? En effet, on voit depuis quelques années que la course à pied a vraiment pris beaucoup d'expansion. Il y a de plus en plus de coureurs dans le secteur. Donc, c'est super. On aime voir les gens courir. Mais d'un autre côté, moi, en étant kinésiologue, en ayant ma clinique de kinésiologie, il y a plusieurs personnes qui venaient me voir. De un, parce qu'ils étaient blessés. Okay. Donc, ils avaient commencé la course à pied sans être encadrés nécessairement. Donc, ils avaient eu des blessures suite à ça. Donc, ils voulaient maintenant des programmes d'exercice. Non seulement pour guérir la blessure, okay. Guérir la blessure, mais aussi pour avoir un encadrement spécifique en course à pied. Et il y en a plusieurs aussi qui me disaient, ah, Julie, ça serait super d'avoir un club de course dans le coin et tout. Ça faisait quelques mois là qu'on me sollicitait à ce niveau-là. Alors, en effet, j'ai contacté les gens du Club du Mille et puis on a décidé okay. OK. C'est quoi? Qu'est-ce que vous allez offrir? Est-ce que ça va être des cliniques de course à pied? Est-ce que ça va être... parce que je sais que Jocelyn Gagné, qui est à Dolbeau, fait ça de main de maître. À Saint-Félicien, je pense que c'est son garçon qui est avec Marjorie Saint-Gelais qui est également en charge de ça. Ça va-tu être un peu le même principe qu'on a à Saint-Félicien et à Dolbeau-Sissonnais? Oui, c'est ça. Ça va être dans le même principe que Delbeau-Mistassini et Saint-Félicien. Moi, je suis en communication avec toutes ces personnes-là dont on vient de discuter. Donc, eux vont m'aider et m'encadrer aussi là pour commencer à superviser l'encadrement. C'est sûr qu'il va être mis à la petite couleur là, Julie Desgagnés aussi à Roberval, mais ça va être un club de course où les gens vont venir faire du social, s'amuser, avoir du plaisir, à bouger, à courir ensemble. Puis moi, je vais les encadrer là, du mieux possible pour leur donner non seulement des bonnes techniques, mais aussi des bonnes activités là, à faire aux alentours pour encadrer là, toute leur projet. Les jeunes, est-ce que vous allez, évidemment, ça va s'adresser à tout âge, j'imagine? En fait, le club de course à pied, pour le moment, s'adresse à une clientèle adulte. Mais en effet, votre question, les jeunes, on se la fait beaucoup poser. Et puis, il y a des choses qui sont en train de se travailler en arrière-scène pour spécifiquement là, auprès des jeunes. Ça pourrait voir le jour ce printemps. Et puis, mais c'est certain qu'il y a des parents qui vont amener leurs enfants pour venir courir, des adolescents, des préadolescents. Donc, moi, ça me fera plaisir qu'ils soient là et puis de les encadrer aussi. Mais pour le moment, c'est un club là, plus aux adultes, mais on refuse pas les jeunes qui ont beaucoup de OK. Est-ce que vous allez avoir le volet compétition? Vous avez déjà la course de la traversée, mais je veux dire, est-ce que vous allez envoyer des coureurs à des compétitions un petit peu? Comme exemple, on sait qu'il y a un circuit actuellement sur le circuit régional. Oui, c'est ça, il y a un circuit. Donc, il y a déjà beaucoup de coureurs à Roberval qui font partie du circuit et qui m'ont déjà mentionné qu'ils allaient venir faire partie du club de course. Et puis, eux, ils étaient contents parce qu'ils disaient, maintenant, on va voir nos couleurs. On va avoir les couleurs du Club du Mille, donc on va avoir des vêtements, notre image et tout. Donc, oui, les coureurs qui sont déjà dans le circuit vont pouvoir maintenant porter les couleurs du Mille. Donc, c'est dans l'intérêt également là, pour certains là, d'aller se dépasser. Il y en a qui sont attirés par la compétition, alors tant mieux s'ils vont dans le circuit. Il y en a qui sont plus attirés par le côté social, le côté « je me mets en forme simplement ». Donc, ces personnes-là ne seront pas obligées là, d'aller dans le circuit. Dis-moi, y a-t-il un objectif particulier pour bien démarrer? Au niveau du membership, je te parle. Là. Est-ce qu'on vise quand même? Au niveau du membership? J'ai visé une cinquantaine de personnes parce que je vous dirais qu'en moins de 24 heures, quand j'ai fait l'annonce dans les médias sociaux la semaine passée, il y avait déjà près de 50 personnes qui avaient confirmé leur présence à la séance d'information. Okay. Donc, je me disais, là, une soixantaine de personnes avec 3 groupes de 20 personnes, débutants, intermédiaires, avancés, ce serait un bel objectif de départ. qui me conviendrait. Là, ben, OK, c'est sûr. Donc, ça commence, je pense, j'ai vu passer ça sur les médias sociaux, ça commence le 15 septembre. Il va y avoir une séance de formation ou d'information avant, j'imagine? Oui, la séance d'information a lieu le mardi 1er okay. septembre à 19h. C'est à la salle arrière à l'aréna de C'est la semaine prochaine, ça? Et puis nos entraînements vont débuter. Oui, c'est déjà la semaine prochaine. Puis les entraînements vont débuter dans la semaine suivante, mardi, dans deux semaines en fait. Ensuite, mardi le 15. Je n'ai pas encore fourni les heures parce que je suis encore en récolte de préférences pour sonder mes gens sur le terrain. Mais ça va se dérouler assurément en soirée, les mardis okay. et jeudi. Puis tous les détails là, à la séance d'information, c'est là que je garde là, mes surprises. OK, mes OK. Bon, ben, qu'on s'en reparle bientôt. Voilà, donc Julie Degagné, la porte-parole du nouveau Club du Mille à Robert-Val.